Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les mensonges et les secrets français des essais nucléaires en Polynésie. En octobre dernier, une plainte pour crime contre l'humanité a été déposée contre la France. C'est le président polynésien, Oscar Temaru, qui en est à l'origine. Et c'est cette plainte qui a rouvert l'un des dossiers les plus secrets, les plus sensibles de la Ve République, 30 ans durant lesquels les autorités françaises ont délibérément menti à la population et caché les terribles conséquences sanitaires. Sur les 196 essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1996, combien ont affecté la santé et l'intégrité des Polynésiens ? Ces mensonges ont longtemps été soupçonnés, mais il aura fallu attendre 1998 et les révélations d'un journaliste du Nouvel Obs pour les faire éclater au grand jour. À la lecture d'archives déclassées, on y découvre l'ampleur d'un mensonge d'État qui a duré plus de 3 décennies et qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Notre invité aujourd'hui est bien précisément le journaliste à l'origine des révélations autour de cette affaire, Vincent Jauvert. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 5, 4, 3, 2, 1... Samedi 13 février 1960, il est 7h04 quand la première bombe nucléaire française explose et illumine le ciel encore sombre du désert algérien. Baptisée Gerboise Bleue, cette première charge atomique française est une réussite. Postée dans une pièce sécurisée du centre opérationnel de la base de Reagan dans le sud du désert du Sahara, le général de Gaulle savoure et s'écrie « Hurrah pour la France !» Avec cette première explosion atomique, il pose la première pierre du plus grand de ses projets, doter son pays de l'arme nucléaire. Parce qu'en pleine guerre froide, et alors qu'Américains et Soviétiques entretiennent une tension permanente sur la planète, l'arme nucléaire est une sécurité. Oui, la garantie que personne n'osera s'en prendre au pays qui la possède, et en l'occurrence, la France. Les précédents d'Hiroshima et Nagasaki ont laissé des traces indélébiles dans l'inconscient collectif. Une arme d'une telle puissance joue avant tout et donc un rôle psychologique, et tels sont les ingrédients de la dissuasion nucléaire. Pour la France, une telle arme permettrait d'asseoir un statut pour lequel le général de Gaulle s'est ardemment battu, celui de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Avec Gerboise Bleue et les autres essais qui doivent suivre, il lance un message à la communauté internationale. Désormais, la France fait partie de ce club très fermé des puissances capables de délivrer le feu nucléaire. Mais pour le général, ce rêve risque déjà d'être compromis. Il se trouve que depuis 1954, l'Algérie se bat pour obtenir son indépendance. Un conflit qui déchire le territoire, mais aussi la population française. Et de Gaulle le sait, bientôt, l'Algérie ne sera plus sous l'autorité de Paris. Et comme prévu d'ailleurs, 2 ans plus tard, les accords d'Évian sont signés. Inter spécial, au micro Germaine Bartoli. Évian m'appelle, je cède immédiatement l'antenne à Claude-Paul Pajard, notre envoyé spécial. Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée dans quelques minutes. Monsieur Jacques va tenir une conférence de presse à l'hôtel du PRK Évian. Je m'y rends tout de suite, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires. C'était interspécial. Dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'émancipation des peuples, l'Algérie est donc officiellement indépendante. Le général l'accepte, mais hors de question de renoncer aux essais nucléaires. Alors, dans les négociations qui se tiennent entre autorités françaises et algériennes, il parvient à obtenir un accord pour continuer. Certes, sans déterminer des essais atmosphériques comme Gerboise Bleue, mais au moins, le général de Gaulle obtient à l'arraché la poursuite d'essais souterrains sur le site d'Innecker, situé à 700 km de Reagan. Mais voilà, le compte à rebours est lancé. L'accord, prendra fin le 1er janvier 1967. Et à cette date, le centre d'expérimentation nucléaire du Sahara devra plier bagage. Cela dit, Paris sait déjà où les essais se poursuivront. En Polynésie française. Dès 1958, les quelques privilégiés qui préparent les futurs essais nucléaires avaient déjà repéré deux petits atolls, Mururoa et Fangataufa. À plus de 15 000 km de Paris, Tahiti et sa capitale, Papeete, ne se doutent de rien. Mais pour les scientifiques, c'est le lieu idéal pour poursuivre les essais d'ailleurs. Comme le suggéraient déjà certains proches du général, c'est bien mieux que le Sahara. Imaginez, des atolls perdus au beau milieu du Pacifique. Une fine bande de terre de 15 km carrés entourée d'un lagon aux eaux turquoises. Il y a même une ouverture suffisamment importante pour laisser entrer des navires dans le lagon. Bref, le lieu est parfait. Personne pour venir contester ou observer. Et ce n'est pas hasard si Américains et Britanniques y avaient aussi réalisé de nombreux essais atomiques. Oui, mais voilà, encore une fois. Lors des repérages en 1958, un problème majeur est soulevé. Certes, d'un point de vue géographique, tout semble coller, mais niveau infrastructure, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien simple, il n'y a rien. Pas même un aéroport de ce nom. Il est impossible d'envisager la construction d'un centre d'essais nucléaires dans les délais voulus par le général. L'Algérie, pour les premiers essais, fera donc l'affaire. Mais aux antipodes, on prépare le terrain. Sans évoquer de raison, Paris débloque des crédits pour la construction d'un aéroport à Papeete. Des années que les autorités locales le réclament. Le port de Papeete aussi fait peau neuve. Vive l'atome! Pour rassurer les populations polynésiennes qui pourraient être inquiètes, le gouvernement envoie Henri Jammet. Ce professeur reconnu est le chef du département sanitaire du commissariat à l'énergie atomique. Les questions de sécurité, c'est lui. Débarqué en Polynésie, début 62, il réalise alors une série d'interventions. Un vrai travail d'information, selon l'État. Mais en réalité, le professeur se borne à désinformer la population sur les dangers du nucléaire. Selon ses dires, aucune raison de s'inquiéter. Tout est prévu pour que ces essais soient les plus propres possibles. Comment contredire un scientifique ? Un travail de fond qui aboutit finalement le 27 juillet 1962 avec la création officielle du Centre d'expérimentation du Pacifique. Une création rapidement suivie des faits. Les premiers techniciens viennent en effet d'arriver et ce qui n'était que rumeurs ou informations plus ou moins fantaisistes vient d'être expliqué, confirmé, tant par voie de presse que de radio ou de conférences publiques. Au cours de leur séjour à Papeete, le général Thiry, commandant interarmes des armes spéciales et ses collaborateurs, ont insisté sur l'absence totale de danger des expériences projetées et sur leur volonté très ferme d'associer étroitement le nouveau centre nucléaire français au progrès économique et social du territoire. Une fois le centre d'expérimentation du Pacifique officiellement créé, le général de Gaulle ne perd pas de temps. Le début des grands travaux est fixé à l'été 1963. Dès le mois de janvier, un premier détachement du génie de la Légion pose le pied à Papeete. Sa mission, préparer le terrain pour faciliter l'arrivée des milliers de travailleurs et militaires qui bientôt débarqueront. Alors, sur ces îles paradisiaques, on construit un tour de bras. Hangar militaire sur l'aéroport d'abord, route ensuite, puis trottoir et feu de circulation, la Polynésie se prépare. Dans cette France du bout du monde, l'implantation prochaine du futur centre d'expérimentation pacifique représente une manne financière inespérée. Sur ce territoire, oublié de la République, le temps semble s'être figé. L'endroit laisse rêveur les quelques touristes qui commencent à s'y rendre. En même temps, on les comprend. Là-bas, l'été ne se termine jamais et une eau turquoise baigne des atolls bordés de longues plages paradisiaques. Mais derrière la carte postale se niche une autre réalité. L'économie, elle est moribonde. Le peu de matières premières dont dispose le territoire perd de sa valeur. La nacre est concurrencée par les produits de synthèse. La pêche reste très artisanale et l'industrie est quasi inexistante. Dans ces conditions, les milliards de francs promis par l'implantation du centre font rêver la population. Et c'est précisément avec cette adhésion populaire que les premiers vrais travaux d'installation du centre débutent en 1963, comme le raconte Aaron Anoui Maraea, un responsable de l'église protestante, interrogé par le réalisateur Arnaud Hudelot. On se prononçait contre les essais nucléaires c'était prendre le risque d'avoir des divisions dans les paroisses. Moruroa représentait quelque chose d'important dans la mesure où ces personnes ramenaient dans la famille et dans l'île des moyens financiers importants. Mais les élus ne se laissent pas convaincre. Pour eux, les risques sanitaires sont trop importants. Et c'est un vrai problème pour le général de Gaulle. Une question reste en suspens, celle de l'acquisition par l'État français des atolls de Mururoa et de Fangataufa. Le statut de territoire d'outre-mer, instauré avec la mise en place de la Ve République en 1958, offre une très large autonomie à la Polynésie française. L'État y assure ses fonctions régaliennes, mais le reste des attributions revient au gouvernement et à l'Assemblée territoriale. Et sans l'accord de cette Assemblée, impossible pour l'État d'obtenir le droit d'utiliser les atolls comme centre d'essai. Mais le général ne compte pas se laisser faire. Sa quête de l'arme nucléaire ne peut être freinée par quelques élus récalcitrants. Aimé Grimald, gouverneur de Polynésie, a beau tout mettre en œuvre pour mettre au pas l'Assemblée, rien n'y fait. C'est en 1963 que tout va se jouer. Jacques-Denis Drolet, député de l'Assemblée territoriale, se trouve alors à Paris. Il est chargé par ses pairs de plaider la cause polynésienne auprès des autorités. Il est convoqué par le secrétaire général de l'Élysée, Jacques Foccart. Mais à son arrivée au palais, ce n'est pas Foccart qu'il rencontre, mais bien le président. Et face aux députés, le général ne fait pas dans la demi-mesure, comme le raconte plus tard l'élu lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Je rencontrais le général de Gaulle qui me fit comprendre que pour les intérêts suprêmes de la nation, il était prêt à décréter que la Polynésie française deviendrait territoire stratégique militaire doté d'un gouvernement militaire si nous n'accédions pas à sa demande de transfert. Et comme ce général n'a pas la réputation de plaisanter, j'ai pris la menace ou le chantage au sérieux. Nous avions tellement lutté et payé cher pour nos acquis démocratiques que dans mon esprit, je conçus de lâcher du lest pour éviter le joug d'un gouvernement militaire. Effectivement, le 6 février 1964, l'Assemblée territoriale polynésienne signe la cession sans condition des atolls de Mururoa et de Fangataufa à l'État français. Voilà, la question est réglée. Plus rien ne peut arrêter la marche en avant du général. Et lors de son arrivée à Papeete le 7 septembre 1966, le président français ne cache pas sa joie, étant à revoir un peu l'histoire. Vous avez parlé du centre d'expérimentation du Pacifique. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Le peuple polynésien, lui, ne sait rien des dessous de cette cession. Ce qu'il retire avant tout, c'est la présence historique d'un président de la République sur son territoire, ce qui est une première, une fierté immense, qui joue évidemment en faveur du général. Cette histoire, en fait, débute le 2 juillet 1966, soit deux mois plus tôt. À 5h40, heure locale, retentit le premier essai aérien français dans le Pacifique. Baptisé Aldébaran, cet essai est couronné de succès. D'une puissance de 200 kilotonnes, cette bombe est 10 fois plus puissante que celle d'Hiroshima et Nagasaki. S'ensuit alors une série de 34 tirs aériens, avec en point d'orgue le premier tir thermonucléaire de l'histoire française. Réalisé le 2 août 1968, Canopus, c'est son nom, permet au général de Gaulle d'atteindre enfin son ambition, se mettre au niveau des autres puissances nucléaires de la planète. En 1974, la France rejoint le moratoire international sur les essais aériens. Désormais, ce sera en sous-sol. Et le dernier aura lieu en 1996, sous la présidence de Jacques Chirac. Jusqu'à cette date, la France réalise plus de 193 essais nucléaires dans le Pacifique et se place juste derrière les Américains et les Russes. Ainsi va la belle histoire d'une France, grande parmi les grandes, qui, grâce à son centre d'essai dans le Pacifique, est désormais à la place qui est la sienne. Un beau récit français, écrit en harmonie avec le peuple polynésien tout entier, bien sûr. Voilà pour l'histoire officielle. Les essais nucléaires français ont-ils été réellement si propres? Car telle est la question. Sur les atolls, de nombreux cas de cancer sont révélés, mais aucune preuve ne vient les relier aux essais atomiques. Mais entre-temps, un événement vient rappeler au monde les dangers de l'énergie nucléaire. Le 26 avril 1986, la centrale de Tchernobyl en Ukraine explose. Une catastrophe qui laisse la communauté internationale sous le choc. Dans les mois et les années qui suivent, on découvre peu à peu les conséquences terribles des radiations sur le corps humain. Et bien c'est dans ce contexte qu'en septembre 1998, soit 2 ans après l'arrêt des essais nucléaires sous la présidence de Jacques Chirac, le journaliste de Nouvel Obs, Vincent Jauvert, est informé qu'une partie des archives de l'autorité en charge des essais nucléaires est désormais à disposition du public au service historique de la défense à Vincennes. C'est la loi qu'il prévoit. Après un délai de 30 ans, tout citoyen peut, s'il le souhaite, aller les consulter. Curieux, c'est son métier, le journaliste décide de se rendre à Vincennes. À son arrivée, quelques cartons sont mis à sa disposition, des archives qui concernent la période qui va de 1964 à 1967. Ce qu'il découvre est vertigineux. Ces archives regroupent les rapports centralisés de la DIRSEN, l'autorité qui chapeaute les activités du centre d'essai. Elles offrent une toute nouvelle grille de lecture des événements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces découvertes font froid dans le dos. Durant toute cette période, les autorités françaises ont imposé le mensonge comme règle d'or. Ce mensonge trouve son origine avant même le début de l'installation du CEP. En effet, en 1958, lors de réunions préparatoires, les scientifiques du COA expliquent que ces campagnes d'essais seront particulièrement sales. Oui, mais comment faire autrement? L'objectif à atteindre est trop important pour renoncer. Alors, au lieu de jouer franc jeu, les autorités décident de cacher la réalité. Dès les premières prises de parole, on s'applique ainsi à délivrer une autre version, comme l'a fait le général Thierry, chef du CEP au micro de France Inter, en 1965. Il faut bien se rendre compte d'abord qu'une explosion nucléaire est évidemment un phénomène très dangereux. C'est un phénomène qui dégage une énergie considérable, qui produit des effets directs de souffle, de chaleur, de rayonnement, très dangereux. Et c'est un phénomène aussi qui produit des effets secondaires, qui eux sont liés à la radioactivité qui est contenue dans un nuage qui retombe au-delà du point d'explosion entraîné par le vent. C'est un phénomène dangereux, bien sûr, et évidemment, s'il ne l'était pas, personne n'aurait jamais songé à l'utiliser pour en faire des armes. Mais pour une expérience nucléaire effectuée en temps de paix, il est assez facile de se protéger, de se prémunir contre les risques de ce phénomène. D'abord, pour les effets directs, il suffit de s'éloigner, et c'est pour cela que les expérimentateurs travaillent dans les derniers temps sur des bateaux qui quittent les lieux au moment de l'explosion. Et quant aux populations, d'abord, elles sont peu nombreuses, et ensuite, il suffit de faire en sorte que le nuage radioactif soit entraîné par les vents et retombe dans des zones totalement inhabitées. C'est là une question de prévision météorologique, pour laquelle un dispositif extrêmement puissant a été mis en place. Bien entendu, je dois dire, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, que l'erreur est humaine et que pour le cas hautement improbable où on se serait trompé, toutes les mesures ont été prises et seraient mises en œuvre pour que les populations soient mises à l'abri. Bref, dormez tranquille. Or, pour savoir quelles ont été les conséquences sanitaires de ces essais, il suffit de se pencher sur les archives des jours qui suivent le 2 juillet 1966. Souvenez-vous, c'est la date du premier tir aérien sur Mururoa. Aldébaran, un succès, disait-on. Scientifiquement, techniquement, sûrement. Mais d'un point de vue sanitaire, c'est une autre histoire. Notre journaliste enquêteur, Vincent Jauvert, découvre que quelques heures après le tir, les militaires et scientifiques chargés de surveiller le nuage formé par l'explosion commencent à s'inquiéter. Il est en effet beaucoup plus dense que prévu, et surtout, il monte bien moins haut que ce qui avait été planifié. Porté par les vents, il se dirige dangereusement vers des atolls habités. Mangareva et ses 600 habitants voient ainsi arriver sur eux ce monstre radioactif. Le vice-amiral Laurent, responsable de la sécurité de ces essais, est alerté. Il décide d'envoyer sur place la coquille, un petit navire scientifique. À son bord, le docteur Chalmillon. Ce scientifique est chargé d'effectuer des relevés le plus discrètement possible. 2 jours après l'explosion, il pose le pied sur Mangareva. Dans son rapport, découvert à Vincennes, il dit « Les comptages ont commencé sur les produits de consommation locale comme les salades. » Et après 12 heures de pluie intense, on relève les niveaux de radioactivité dans les sols, dans les citernes d'eau, sur le sable des plages. Et il se trouve que les taux sont affolants. Tous sont comparables à ceux relevés à Tchernobyl dans les jours qui ont suivi l'explosion de la centrale. Face à ce niveau de radioactivité, la règle paraît évidente. Évacuer personnel et population présents sur place. Mais non, rien n'est fait. Dans son rapport, le docteur Millon poursuit « La population est parfaitement inconsciente et ne manifeste aucune curiosité, aucune inquiétude. » Sa recommandation est lapidaire, gardez le silence. Une découverte qui fait remonter des souvenirs au sein des populations locales. John Doom, un fonctionnaire et membre de l'église protestante de Papeete, était présent sur l'un de ces fameux atolls le jour du tir. Il est alors invité par les autorités militaires à assister au spectacle depuis une colline. Dans un entretien accordé au réalisateur Arnaud Hudelot, il se souvient que le programme a quelque peu été bousculé après l'explosion. Le soir arrive, il commençait à pleuvoir d'ailleurs, et il y avait vers 6h, 7h, comme ça je ne peux pas très préciser, et les militaires dans le village, il commençait à y avoir une circulation des militaires dans le village au Gambier. Et voilà, le lendemain, on nous dit qu'il faut prendre l'avion. Elle dit, mais pourquoi on part? Elle dit, non, on doit partir. Voilà ce qui fait que je l'ai appris donc par la suite, que c'est parce que dans la nuit, le nuage est venu sur les gombiers et qu'il ne fallait pas rester là, et nous sommes partis. Et je l'ai su par la suite que, effectivement, il fallait partir de là et ne rien dire surtout. Nous avons laissé la population dans la pleine ignorance et nous nous sommes barrés avec l'hydravion qui était dans le lagon des Gambiers et nous sommes rentrés sur Papeete. Dès 1998, notre enquêteur Vincent Jauvert comprend que les autorités ont délibérément caché la réalité de la situation aux habitants de Mangareva, tout en cherchant à se protéger du danger des retombées radioactives. Un silence qui fera des morts. Il faut donc attendre les révélations de Vincent Jauvert pour enfin confirmer ce que beaucoup pensaient. Et ce n'est pas hasard. L'État s'est appliqué à verrouiller et contrôler tous les aspects de la vie des Polynésiens. Dans les documents découverts par le journaliste, on apprend la création, dès 1964, 2 ans avant le début des essais donc, d'un énigmatique bureau d'études. Installé à Papeete, ce bureau n'est en fait qu'une cellule centralisant le travail de l'ensemble des services de renseignement présents en Polynésie, SDES, DST, renseignement militaire, tous sont particulièrement actifs sur l'archipel. Chaque semaine, le chef du bureau transmet un rapport destiné à quelques privilégiés. Et pour se donner les moyens de museler toutes les contestations qui pourraient apparaître, le bureau d'études s'épanche méthodiquement sur les activités de toutes les tranches de la société polynésienne. Oui, tout est étudié. Ressources de la puissante église protestante, activités des femmes de ménage chez les notables de Papeete ou encore velléités des réseaux de la jeunesse polynésienne, tous sont scrutés. La presse aussi fait l'objet d'un intense contrôle. Déniché dans les archives, un rapport de 1967 retient l'attention. Alerté par l'arrivée d'une équipe de la prestigieuse émission 5 colonnes à la une, les services secrets se mettent en ordre de marche et tentent de maîtriser les activités de l'équipe sur l'archipel. Dans ce rapport, envoyé à Paris, le chef du bureau écrit « Les intentions des journalistes ne paraissent pas bienveillantes à l'égard de la présence française en Polynésie et du centre d'expérimentation. » Il conclut par cette recommandation « Il serait prudent de censurer l'émission. » 40 ans plus tard, aucune trace de ce reportage, effectivement, et cette presse muselée interpelle l'académicien Jean Rostand qui, dans un entretien radio en 1967, se désole de l'absence de débat sur le nucléaire. Moi-même, dans une certaine mesure, j'ai essayé de faire des articles, des conférences, mais vous le savez très bien que dans l'état actuel des choses, les paroles anti-atomiques, les paroles qu'on prononce contre la guerre atomique ne sont pas volontiers propagées par les journalistes. Si je fais une conférence sur le danger atomique, la presse a des consignes, elle en parlera très peu, ou peut-être même pas du tout. Par conséquent, c'est toute la question de la liberté, de l'indépendance, de l'information que vous soulevez là. Presse et population contrôlées, et effectivement. Mais pourtant, là n'est pas le gros de l'emprise de l'État sur l'archipel, non. Le point critique, c'est la santé. Au cœur des préoccupations, cette thématique fait l'objet d'un verrouillage strict de la part des autorités. Pas question en effet d'avoir en Polynésie des médecins trop curieux ou trop intéressés par les effets des essais nucléaires sur la santé des habitants. Alors, pour s'en assurer, eh bien la méthode est simple et radicale. Des médecins militaires prennent la tête de toutes les officines de santé en Polynésie. Les chefs des hôpitaux publics, des militaires. Les tournées médicales sur les archipels, des militaires encore. Et pour se rendre là où l'on suspecte des retombées radioactives, des militaires bien sûr. Résultat, absence totale de suivi, de transparence et rétention systématique des rapports et archives qui en émanent. Les autorités tentent d'étouffer tous les cas suspects, comme en témoigne Bruno Barillo. Militant antinucléaire et figure de la contestation, il est le premier auteur d'un rapport exhaustif sur l'impact sanitaire des essais nucléaires français. Il était publié en 2002. Lorsqu'il se rend sur place à partir des années 80, il fait une découverte effarante. Sur les îles les plus proches du centre d'expérimentation du Pacifique, Touréia ou les Gambiers, les autorités militaires se sont méthodiquement abstenues de recenser les cas de cancer et autres maladies potentiellement causées par une exposition radioactive. Il faudra attendre l'année 1984 pour voir le début d'une comptabilisation de cas suspects. Mais avant cette date, impossible d'imputer un seul décès ou une seule maladie à l'activité des CEP sur l'archipel. Pourtant, tous les témoignages confirment que le nombre de cancers sur ces îles explose à partir de la fin des années 60. Si certains clament l'ignorance des autorités, Bruno Barillot, lui, n'y croit pas. Au contraire, il affirme que les autorités françaises savaient tout. On savait tout à l'époque. On savait tout. Et donc, aujourd'hui, quand on veut excuser, et quand mes interlocuteurs polynésiens, bon chrétiens, ils disent, oh ben, écoutez, les militaires, quand ils sont venus chez nous, ils ne savaient pas tout de la radioactivité. Mais si, ils savaient tout. Ils savaient tout. Hein. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a absolument aucune excuse. Malgré l'évidence des faits, les nombreuses études indépendantes réalisées depuis, effectivement, l'État s'est borné durant des années à nier l'évidence. Les essais nucléaires menés en Polynésie française ont à plusieurs reprises contaminé l'environnement et les populations. Ce n'est qu'en 2008 que l'État reconnaît enfin les dégâts provoqués par ces essais. Reconnaissance donc, c'est déjà ça, mais maintenant il faut réparer. Et ce n'est qu'en 2010 que le gouvernement prend une initiative. Après des décennies de silence et de refus de traiter dans sa globalité les dossiers des victimes des essais nucléaires, la France fait volte-face et décide de légiférer comme l'ont déjà fait la plupart des autres grandes puissances, États-Unis, Grande-Bretagne ou Australie. Il est temps que notre pays soit en paix avec lui-même, en paix grâce à un système d'indemnisation et de réparation du préjudice subi. Un préjudice potentiel pour plus de 150 000 civils et militaires. L'annonce est forte et de nombreuses victimes et associations se réjouissent de cette avancée. Alors oui, cette loi est historique. Mais 8 ans après la création du CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, seulement 121 personnes ont obtenu une réparation suite à des maladies reconnues comme radio-induites. C'est une goutte d'eau dans un océan de victimes incapables de prouver l'origine de leur maladie. Finalement, cette loi les condamne également. Car pour obtenir une indemnisation, il faut que la victime apporte la preuve d'un lien de causalité entre les essais nucléaires et sa maladie. La seule présence sur les lieux à l'époque ne permettant pas de la justifier. Et qu'en est-il des conséquences environnementales maintenant pour ces atolls où plus de 147 essais souterrains ont été réalisés et dont les scientifiques commencent à pointer les dangers imminents pour l'environnement? C'est l'autre question, grave elle aussi. We'll be right back. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les essais français nucléaires en Polynésie avec notre invité Vincent Jauvert. Bonjour. Bonjour. Vous avez été cité au moins 4 fois dans le récit, c'est normal, puisque vous êtes l'acteur de cette enquête. C'est vous qui soulevez le lièvre, si j'ose dire. Et d'ailleurs, vous vous dites, c'est une histoire de journalisme aussi, cette histoire-là. Oui, j'ai 60 ans, je vais avoir 60 ans. J'ai fait pas mal d'enquêtes dans ma vie sur la DGSE, sur les hauts fonctionnaires, sur les hommes politiques. Mais c'est celle réellement dont je suis le plus fier. Pourquoi ? Parce que elle a pu aider des gens. Ces archives, que je suis toujours le seul à avoir, puisque ces archives m'ont été refermées au moment où je travaillais. J'ai dû les prendre et partir avec, et elles sont toujours fermées. Les archives dont vous parlez sont toujours fermées. On n'y a toujours pas accès. Moi, je les ai données bien plus tard, et c'est de ça dont je suis très fier, à Bruno Barillot, que vous avez cité tout à l'heure, à John Doom, de façon à ce que, au moment où il y a eu des procès, en indemnisation, des victimes ont pu utiliser ces archives-là pour prouver qu'il y avait un lien fort probable entre leur maladie et les essais. Et parlez-moi de ces deux personnes-là qui ont été très très actives aussi. Bien sûr, elles vous ont aidé directement ou pas, peu importe, mais elles sont allées dans le même sens que vous, c'était un soutien important. Alors, ce qu'ils ont fait est devenu un soutien important dans vos démonstrations, je veux dire. Ce qu'ils ont fait a été très important pour soutenir les victimes. Moi, c'était indépendant puisque je travaillais dans les archives. Sans eux, je les connaissais pas à l'époque du tout. Ce n'est lorsque j'ai publié cet article dans l'Obs ou dans le Nouvel Obs à l'époque en 98 que j'ai reçu une avalanche de courriers, et notamment de Barillot et de John Doom, mais aussi de quantité de militaires, de jeunes militaires de l'époque, qui comprenaient qu'en réalité, ils n'étaient pas les seuls à se poser des questions. À l'époque, personne n'en parlait. C'était totalement tabou. Et j'ai reçu des centaines de lettres. Et là, j'ai compris qu'il se passait réellement quelque chose. Et c'est un peu plus tard qu'a été créée l'AVEN, donc l'Association des victimes des essais nucléaires. Et rendez-vous compte qu'il a fallu attendre 10 ans avant la publication de cette enquête. 10 ans pour qu'Hervé Morin décide très timidement d'indemniser ces gens-là. Ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui même, vous continuez à avoir des retours sur votre travail, à part celui-là, tiens, aujourd'hui, c'en est un. Mais... À peu près une fois par mois depuis 20 ans, de France et surtout de l'étranger. C'est incroyable. Incroyable. Racontez-moi. Des Australiens, des Américains, des Polynésiens, des Japonais, beaucoup de Japonais qui veulent comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on n'a rien dit, comment les essais nucléaires se sont passés, pourquoi la France voulait-elle l'arme atomique. Sans arrêt, une fois par mois depuis 20 ans, ça fait vraiment beaucoup. Je le fais avec grand plaisir parce que je pense qu'il est nécessaire que l'on parle, que l'on ouvre ces archives qui, encore une fois, ne sont pas ouvertes. Elles sont ouvertes aux États-Unis, elles sont ouvertes en Grande-Bretagne, elles sont ouvertes en Australie et depuis longtemps. Aux États-Unis, on peut consulter les archives jusqu'à des essais très récents. Je pense d'ailleurs la totalité des essais. En France, aucun. Aucun. C'est une spécificité hallucinante. De Nord. Alors ça, c'est une autre casquette de moi, sur les hauts fonctionnaires et sur la haute technostructure française. Ils n'ont pas de compte à rendre aux citoyens, ces gens-là. C'est quand même hallucinant. Déni de démocratie administratif, un peu. Oh, administratif, et militaire politique. Et politique. Alors, il y a deux niveaux d'enjeu dans notre histoire. Il y a le fait qu'on a exposé les populations, y compris les militaires d'ailleurs, j'imagine, exposés très très près. Je dirais même surtout les militaires. Plus nombreux. Bref, on expose des êtres humains à un danger mortel. Des enfants. Donc ça c'est... Mais il y a un enjeu terrible qui est un enjeu stratégique et de défense. Ça ne légitime pas, évidemment, d'exposer des gens à l'atome. Mais enfin, peut-être que la double faute, et ce qui choque le plus... Bon, le mal est fait. Après, il y a les indemnisations. Et c'est ça, peut-être, le deuxième niveau du scandale. Oui, parce que, sur le moment, on peut se poser la question, s'interroger en 66, 70. On est en pleine guerre froide, la France a besoin, pense-t-elle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir l'arme thermonucléaire. Bon, c'est fait. Mais que, 20 ans après, au nom du secret de la défense nationale qui n'a absolument pas lieu d'être. J'ai vu les archives. On ne mettrait absolument pas en cause le secret de la défense nationale en ouvrant ces archives-là. On refuse d'indemniser ou au compte-goutte des gens qui, pour beaucoup, ont souffert plus que ce que l'armée dit. D'ailleurs, les États-Unis, dès les années 90, ont décidé d'indemniser tous ceux qui ont eu un cancer entre 30 et 50 ans et qui ont été aux alentours des essais nucléaires, sans demander s'il y avait un rapport de cause à effet, supposant qu'il y en avait un. Mmh. Je pense qu'on devrait faire ça. C'est vraiment la moindre des choses que d'indemniser ces militaires qui ont pris des risques pour notre défense, à tort ou à raison, les indemniser et reconnaître que ces gens-là ont souffert pour nous, entre guillemets. Mmh. À l'origine, il y a cette obsession politique du général de Gaulle. Hein. Alors, on dit rien à la population, parce qu'il faut absolument que la France ait l'arme nucléaire. Vous dites qu'effectivement, rétrospectivement, c'est tout à fait utile. Effectivement, mais la motivation du général de Gaulle, elle était historique, sur ce coup-là. Oui, le général de Gaulle voulait avoir l'arme thermonucléaire, c'est-à-dire une arme beaucoup plus petite que l'arme de la bombe H, la bombe A, celle d'Hiroshima, qui ne peut pas aller très loin parce qu'elle est très lourde. Et pour pouvoir... C'est la larguer d'un avion, quoi. Larguer d'un avion, en gros. Et donc, pour avoir une arme qu'on peut projeter des milliers de kilomètres, il faut qu'elle soit thermonucléaire. Et en plus, elle est beaucoup plus puissante. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans le club. Ce qu'on appelle les ogives nucléaires, c'est ça? Oui, enfin, des têtes nucléaires petites. Têtes nucléaires petites, mais pour pouvoir faire des missiles intercontinentaux. Intercontinentaux, voilà ce que je cherchais. Qui vont maintenant jusqu'en Chine. Mmh. Entre parenthèses, de Gaulle parlait de la défense tous azimuts. En réalité, on a pu faire du tous azimuts il y a quelques années seulement. Hein. En réalité, tout ça a été fait pour... sous de Gaulle, tout ça a été fait juste pour l'Europe. Uniquement pour se battre en Europe. Bref, contre les Russes, évidemment, contre les Soviétiques. Donc, il y avait une logique. Il y avait une logique militaire. Mais encore une fois, de là à aujourd'hui cacher les choses, c'est absolument incompréhensible. Alors il y a aussi une question foncière qui peut paraître subalterne par rapport à la question de la santé, mais évidemment, enfin, elle existe encore, elle était centrale à l'époque, elle fait encore débat. Ces atolls qui auraient dû être rétrocédés à la Polynésie ne le sont toujours pas, malgré une proposition de loi portée par le sénateur polynésien Richard Tuiyava en 2012. On va écouter à ce propos son collègue du Sénat, Richard Tuiyava. Il était prévu en 64 dans le texte que lorsque les essais nucléaires cesseraient, la rétrocession se ferait de plein droit. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que les essais sont terminés. L'État a du mal à appliquer sa parole. C'est une proposition parlementaire qui vient mettre l'État, le gouvernement en tout cas, devant sa responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on vous oppose toujours le secret défense ? Oui, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir aller voir ce qui se passe, il faut demander l'autorisation à Paris, alors même que ce sont deux atolls polynésiens. Ces atolls sont à nous, c'est des atolls polynésiens. Voilà, il s'agissait tout simplement de Richard Tuiyava, je l'ai cité deux fois. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'il vient de dire ? C'est toujours la même chose. Ces gens-là, je parle de notre autre administration, ne pensent pas qu'elle doit être redevable d'informations, de gestes auprès des populations. Alors, il peut y avoir une raison, à savoir que les derniers tests qui ont eu lieu en 96 ont permis de tester les armes qui sont aujourd'hui actives, aujourd'hui, et que donc peut-être des Russes ou d'autres pourraient descendre et aller voir ce qui s'y passe et voir au fin fond de la mer à quoi ressemblaient les armes nucléaires françaises. Ça me paraît un peu tordu. Je pense surtout qu'ils veulent cacher les dégâts qui ont été causés. Ça. Alors, votre travail s'effectue, enfin, le début en 1998, on l'a dit, nous ne sommes que 2 ans après la fin des essais nucléaires, parce qu'après c'est de la simulation, donc la chose est encore fraîche. Est-ce que vous avez eu des pressions ? Des autorités. Ah, plus que des pressions. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils m'ont pris des mains. Ils ont refermé les archives et ils ont refermé toutes les archives militaires pendant 3 mois après que je sois passé, alors que ces archives étaient ouvertes, d'une part. D'autre part, le porte-parole de l'armée à l'époque m'a menacé de prison en disant que j'avais volé ces archives à la télévision, en direct. Et je lui ai répondu, écoutez, faites attention parce que j'ai la preuve, j'ai l'inventaire prouvant que ces archives étaient ouvertes. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Wither Island in the Sun. Vincent Jauvert, en tant que journaliste, on n'est pas là pour juger, dire c'est bien, c'est mal. On a quand même le droit, en tant qu'humain, d'être choqué ou pas. Vous avez été choqué, évidemment. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Alors, c'est l'attitude des médecins. À l'époque, quand j'ai ouvert les archives et que j'ai vu ce médecin auquel on demandait d'étudier les conséquences potentielles des essais sur les populations, qui dit, ben voilà... Les populations polynésiennes, comme elles sont assez endogames, sont particulièrement génétiquement sensibles. Et donc, chez elles, les essais seront particulièrement dangereux. Avait-il raison ? Je n'en sais rien. Mais cet homme-là, ce médecin, n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire. De même, après l'essai dont vous avez parlé au début, Aldébaran, il y a un médecin dont vous avez parlé, dans la coquille, qui fait son rapport. Oui, la coquille, c'est le petit bateau. Il voit que les taux sont très élevés, qu'il y a des enfants qui jouent sur le sable pieds nus. Et il dit, gardez le silence. Et donc, cet homme qui doit respecter les serments d'Hippocrate, ne l'a pas fait. On peut comprendre que des militaires cachent des choses. Bon, on est un pays qui est très manu militari. On est très famili en France. Bon, pourquoi pas. Mais des médecins, ouais. Un médecin qui aurait dû alerter, démissionner, faire quelque chose, ils l'ont pas fait. Alors, vous parlez des militaires, eh bien, nous allons écouter ensemble une dernière archive. Je reviens sur l'indemnisation. Je rappelle que pour l'instant, le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, n'a indemnisé que 121 personnes. J'espère que le chiffre est actualisé. On va écouter à ce propos le témoignage d'un ancien militaire donc, qui était présent sur place durant les essais et qui raconte toutes les difficultés d'indemnisation. L'argument principal, c'est que j'avais eu trois cancers, cancer du rein, deux cancers cutanés sur le visage, qui étaient sur la liste des maladies indemnisables pour les anciens vétérans. Argument du tribunal qui a rejeté dernièrement sa demande, la maladie s'est déclarée trop tard. Or, on sait bien que les maladies liées à l'irradiation surviennent dans des délais très, très étendus, et c'est pas du jour au lendemain. Oui, sans mauvais jeu de mots, on sait que ces maladies provoquées par l'exposition nucléaire sont des bombes à retardement. Elles se déclarent pas tout de suite, bien souvent plus tard, beaucoup plus tard. Et puis, oui, les médecins savent pas tout. Dans le doute, cet homme qui a eu trois cancers et qui était là sur place, qui a servi la France, évidemment qu'il faut l'indemniser. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, j'imagine que ce n'est pas une question d'argent pour l'État. Les difficultés d'indemnisation, pourquoi elles existent ? D'abord, parce que ce serait un aveu de l'État, il y a cette dimension-là, mais pourquoi est-ce aussi difficile ? Parce qu'on ne veut pas créer un précédent pour d'autres affaires ? Quelles sont les raisons qui font que ça bloque, quoi ? Il y a au moins deux raisons, vous l'avez dit. Le nucléaire militaire, on veut faire penser qu'il est vraiment anodin. Hein. Ce n'est juste qu'une bombe, mais bon, c'est pas si dangereux que ça. Et puis il y a le nucléaire civil, les faibles doses. C'est ça la question. Les faibles doses, jusqu'à quel point les faibles doses sont-elles dangereuses? Les faibles doses de radioactivité. Mmh, j'entends bien. Et donc, qui sont contrôlées quand même, pardon, mais qui, pour ce qui concerne le nucléaire civil, qui sont contrôlées par les ingénieurs de l'IRSN, qui vont faire tous les jours des relevés sur les salades, sur que sais-je encore. Bien sûr. Ce qu'on mange et ce qu'on cultive. Donc ça, ça existe. Heureusement. Oui, ça, existe, ça existe. Ça fait pas très longtemps qu'on distribue des capsules d'iodin autour des centrales. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des radiations faibles. Mais on ne sait pas, ou on ne veut pas savoir à quel point les faibles doses produisent des cancers. Et si on dit que les faibles doses reçues par des militaires, par la bombe nucléaire, produisent des cancers, ça veut dire que c'est la même chose pour les habitants, ou c'est potentiellement la même chose pour les habitants autour des centrales. Mmh, d'accord. Donc on va le dire. Et là, ça commence. Et puis, de toute façon, la France est un État nucléaire pour son électricité, pour des éléments majeurs, pour toute son énergie, pour sa défense. Et donc, ça doit être propre. Et or, on sait que ça ne l'est pas complètement, évidemment. Ouais. Est-ce que... Bien sûr, pardon. Non, je voulais juste rajouter. Souvenez-vous de Paul Quillès. Vous vous souvenez de Paul Quillès? Bien sûr, l'ancien ministre de la Défense de François Mitterrand, notamment, mais qui a occupé d'autres postes ministériels. Personne n'a oublié. Et alors, il est allé se baigner dans les eaux de Mururoa juste après l'affaire du Rainbow Warrior, vous vous souvenez? 85. Juillet 85. Et donc, il a pris le ministère de la Défense, il dit, voilà, les écolos de Greenpeace veulent dire que les effets sont sales, les essais sont sales. Pas du tout. Je me baigne dans l'eau. Et tout fier. Enfin. Et aujourd'hui, c'est le militant le plus farouche contre l'arme nucléaire, Paul Quillès. Et pourquoi? Faudrait lui demander. Enfin, c'est un des éléments, c'est bien celui-là. C'est que c'est pas terrible. C'est le bon qu'on puisse dire. Dernier aspect, il n'est pas inintéressant, l'aspect diplomatique. En leur temps, les Américains et les Soviétiques s'étaient engagés à arrêter les essais nucléaires dans l'atmosphère. L'ONU avait publié plusieurs rapports qui avaient scientifiquement pointé la nocivité de ces essais. Est-ce que la France a été regardée montrée du doigt, sur ce plan-là? Est-ce qu'on s'est dit, mais un pays qui se lance dans le nucléaire et qui met en danger ses populations, est-ce qu'il y a eu un jugement de la part de la communauté internationale? Il y a eu une bronca extraordinaire contre la France, à tel point que, donc les essais ont eu lieu jusqu'en 1974, et ce n'est parce que les États-Unis ont aidé la France à passer en souterrain qu'on a pu le faire. Merci infiniment, ce sera le dernier mot. Merci, Bertrand Jaubert, de votre témoignage et de vos précisions. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les essais nucléaires français en Polynésie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission Livre Référence, et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.